Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. Je dirais deux choses nous ont aidés pour passer à la situation d'aujourd'hui. Un, c'est la loi. Parce que la loi est devenue au bon sens et on s'est dit, on prend les sujets avec de la hauteur et on pense pas. Je pense par exemple au sujet des pesticides qui était un des énormes sujets il y a 10-15 ans. Sur le sujet des pesticides, eh bien, quand tu prends l'ensemble de la chaîne, évidemment, ça te permettait d'avoir des vins, si on prend le vin, beaucoup plus accessibles, donc beaucoup plus démocratiser ces produits-là, etc. Et en même temps, si tu prenais un peu de hauteur, tu vois tous les méfaits sur la santé, sur les cancers, etc. Qui se paye à coups de milliards, on parle. Exactement. Ouais. Et donc l'idée, c'est ce qu'ont fait les gouvernements, c'est de prendre de la hauteur, voir l'ensemble des causes et bénéfices et de statuer. Et donc maintenant, tout ça, c'est interdit. Donc ça, c'est les ministres du temps long qui nous ont beaucoup aidés à prendre de la hauteur. Tu sais, les gouvernements, maintenant, ils ont tous un ministre du temps long qui est capable de dire « En fait, là, la décision qu'on prend à court terme, elle impacte notre futur à moyen, long terme. Et en fait, le coût-bénéfice est pas du tout rentable. » Tout à fait. Et après, il y a des vraies incitations pour passer à l'échelle. Nous, par exemple, à l'époque, lancer le réemploi quand on est tout seul, c'est pas rentable. Pas optimisé, il y a un enjeu de volume. Et donc l'idée, c'est d'inciter. Et donc il y a eu tout au long du chemin des énormes incitations pour passer sur le réemploi, passer sur le zéro déchet, passer sur des aides aussi pour replanter, recirculariser les choses et passer de 0 à 1 en fait. Et une fois que ce modèle-là est installé, je pense au réemploi par exemple, et il ne s'arrête pas parce qu'en fait, ça a tellement plein de sens, c'est tellement optimisé, c'est même plus efficient que la machine est lancée quoi. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe, ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 glorieuse pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.